des repas, tu trouveras sans elle. Chapitre 3. Adrienne. Adrienne n'était pas quelqu'un qui cherchait les problèmes. Elle était une personne calme et assidue, qui se faisait souvent envier pour ses excellentes notes à l'école. Elle ne s'était jamais mêlée de ce qui ne la regardait pas. Alors pourquoi tout à coup se retrouvait-elle embarquée dans une histoire de coven, de sorcière et de magie? Elle n'avait rien demandé de tout ça. La maîtresse du coven était effrayante, et sa garde du corps l'était d'autant plus. Adrienne était une intellectuelle. Elle ne savait pas se défendre, et n'avait aucune chance contre ni l'une ni l'autre de ces femmes. « Je ne comprends pas ce que vous voulez, ni ce que je fais ici, » se plaignit-elle. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. »« Ce que je veux, » répéta Marinette, l'air peu impressionnée par ses suppliques, « que tu arrêtes de gaspiller le potentiel de tes boucles d'oreilles. » Instinctivement, Adrienne porta ses mains à ses oreilles. « Quoi? Pourquoi? » « C'est moi qui pose les questions. Comment tu les as obtenues? Et je te conseille de me dire la vérité, » ajouta-t-elle sérieusement. « Ou tu pourrais le regretter. » La blonde sentit un nœud dans sa gorge. La situation venait d'empirer soudainement. « Je les ai eus en héritage. C'est ma mère qui me les a légués. Elle m'a dit de ne jamais les enlever parce qu'ils sont magiques. Mais je connais rien à la magie, moi. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. » « Je vais t'apprendre comment ça fonctionne, » déclara Marinette, comme si Adrienne appartenait déjà à son coven. « Quoi ? » répéta celle-ci, choquée. « Vous allez me garder ici ? » ?»« Tu as deux options. La première, tu me donnes tes boucles d'oreilles, en sachant que tu les reverras jamais. La deuxième, tu acceptes que je t'enseigne comment t'en servir, ce qui signifie que tu vas devenir mon apprenti, » énuméra-t-elle le ton sans équivoque. « Je te laisse du temps pour réfléchir. Kagami, rattache-la. » La garde du corps s'avança aussitôt pour obéir. Non, non, ce n'est pas nécessaire, je vous le promets. C'est une décision importante. Je pense que tu dois prendre le temps d'y réfléchir avant de décider quoi que ce soit. Et puis juste comme ça, les deux femmes l'abandonnèrent à son sort, seule dans la grande pièce. Au clair, obscur, trouble. Adrienne avait peur, froid, et elle ne savait plus depuis combien de temps elle était là, mais le soleil commençait à descendre à l'horizon. Elle n'aurait pas dû suivre les deux femmes qui l'avaient amenée ici, qui l'avaient accusée d'être une sorcière. La seule magie qu'elle ne posséderait jamais lui venait des boucles d'oreilles qu'elle portait. Elle n'avait cessé de considérer l'ultimatum que Marinette lui avait imposé. Malgré tous les angles dans lesquels elle retournait la situation, elle ne pouvait pas accepter de renoncer à son héritage. Non seulement ce serait trahir sa famille, et plus particulièrement la mémoire de sa mère, mais en plus, elle n'avait aucune idée de ce que la sorcière comptait faire de ses boucles d'oreilles, et elle refusait qu'elle s'en empare à de mauvaises fins. Contrairement à ce qu'elle avait admis, elle avait effectivement quelques maigres connaissances magiques. Elle savait que le bijou qu'elle portait était le miraculeux de la création, le plus puissant selon les légendes. Elle savait aussi que tant que les boucles d'oreilles étaient sur elle, personne ne pouvait les lui retirer sans son consentement. Par contre, elle n'avait pas menti en affirmant ne pas être capable de s'en servir. La porte s'ouvrit à nouveau brusquement, et Adrienne lâcha un cri de surprise. Marinette s'avança et lui demanda à nouveau. « Alors, qu'est-ce que tu choisis ?» Fin du chapitre 3. Guardé aux peintures.